Bonjour Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Entre préhistoire et histoire, Carbone 14 se consacre ce soir à une histoire édifiante et curieuse, une histoire dont on tire une conclusion, une réflexion morale, en quelque sorte. L'histoire débute il y a 9000 ans sur le continent américain, mais ne trouve encore son épilogue sous la récente présidence de Donald Trump. À défaut de héros, notre fil conducteur sera un étrange individu, objet de tous les enjeux, de toutes les passions, l'homme de Kennewick. Pourquoi donc tant de polémiques autour de ce qui fut probablement un pauvre paléo-indien abattu d'une flèche sur les rives de la rivière Columbia dans l'état de Washington? Parce qu'à défaut d'être le plus vieil américain, Kennewick pourrait bien être le grand ancêtre, l'ancien parmi les anciens, du moins pour les minorités amérindiennes. Mon invité est professeur d'anthropologie à l'Université du Kansas, spécialiste du passé paléo-indien, et aujourd'hui sur France Culture, pour narrer l'histoire de l'homme de Kennewick. Frédéric Sellet, bonjour. Bonjour. Contrairement à l'ancien monde, Frédéric Sellet, que peut-il arriver de pire à un archéologue américain fouillant un site? Découvrir un squelette humain? Ah! Ben oui, tomber sur un os, c'est un peu gênant. Comme vous le savez, l'homme de Kennewick a vraiment créé une controverse et une polémique importante. Au courant de ces dernières années, il y a eu des conflits qui n'ont pas toujours été résolus. Oui, mes collègues américains réfléchissent à deux fois avant de fouiller un site. Vous, par exemple, vous allez prochainement fouiller un site paléo-indien, dans quelque chose d'ailleurs qui est assez rare. C'est bien sûr un habitat, mais il pourrait par exemple y avoir une tombe? Il se peut, on ne peut vraiment pas prévoir où ces sépultures vont se trouver. C'est relativement rare que des sépultures anciennes, et en particulier les sépultures paléo-indiennes, se trouvent près des sites d'habitat. Par exemple, l'homme de Kennewick, c'est un cas complètement isolé. Il n'y a pas de contexte d'habitation. Mais il se peut effectivement que des ossements humains apparaissent sur un site paléo-indien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce paléo-indien? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une culture? C'est une entité? Ça représente quoi? Ah, j'aime pas le mot culture. Pour ce qui est de la préhistoire américaine, parce qu'on peut pas vraiment caractériser le passé par une seule culture dans le sens sociologique ou anthropologique moderne. Vous allez dire une tradition, c'est bien une américain. Tradition. Je préfère parler de tradition culturelle plutôt que d'utiliser le mot culture en soi. Je sais bien qu'on est à France Culture et c'est un peu difficile d'attaquer le concept, mais je préfère le mot tradition. Qui en américain est peut-être plus vaste. On connaît beaucoup de tombes de cette époque? Très peu. Il y a quelques restes humains et au niveau du nombre, je crois qu'on a à peu près maintenant identifié à peu près 80 individus. Ce qui correspond au nombre de sépultures ou de restes humains pour le paléolithique supérieur en Europe. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau géographique, l'ensemble nord-américain est beaucoup plus vaste que l'Europe. Donc, au niveau densité, on a une densité moindre pour l'Amérique du Nord que ce qu'on trouve en Europe. Et ces paléo-indiens de cette période, ce sont quoi? Des grands chasseurs, de grands chasseurs de mammifères par exemple, avec des pointes relativement lourdes, assez sophistiquées, qu'on appelle Clovis par exemple? Ce sont des chasseurs, des chasseurs-cueilleurs qui utilisent effectivement des armatures de jet comme les pointes Clovis. Quand on parle de la période de l'homme de Kennewick, c'est quand même une période un peu plus récente que Clovis. L'homme de Kennewick, c'est pas l'homme le plus ancien en Amérique du Nord. Vous avez parlé d'un homme de 9000 ans pour que nos auditeurs puissent comprendre le contexte chronologique. Le Clovis, ça date d'à peu près 13000 ans. Donc on est avec Kennewick plus de 2 à 3000 ans après le Clovis. Je le disais, Kennewick est une histoire édifiante. Sa découverte l'est aussi, d'ailleurs. Ah, c'est une histoire assez passionnante. C'est deux jeunes gens qui ont décidé d'aller voir, d'aller participer à une course de bateau, d'observer une course de bateau, de bateau hydroplane, le long de la rivière Columbia. Malheureusement, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter un billet. Donc, ils longent la rivière, et ils évitent l'entrée gardée, ils longent la rivière et tombent sur des restes humains. Ils paniquent pas. Ils décident de cacher ces restes osseux dans des buissons. Ils vont aller voir leur course de bateau. Et à leur retour, préviennent le shérif local et lui font savoir qu'ils viennent de découvrir ces restes humains. Donc c'est une découverte complètement par hasard et vraiment exceptionnelle. Donc on peut penser que le shérif arrive forcément avec le médecin légiste. De façon traditionnelle, les autorités locales travaillent soit avec un médecin légiste et dans ce cas-là avec un anthropologue, un paléoanthropologue. Donc c'est mon collègue James Charters qui est le premier à examiner les restes osseux retrouvés par ces deux jeunes gens et se rend très vite compte que ces restes osseux sont anciens. Et ça ne représente pas une scène de crime récente. En tout cas, on va voir que c'est peut-être une scène de crime, mais une scène criminelle, mais certainement pas très récente. Et donc, Chatters commence à faire des études. Il se rend sur place, récupère les ossements qui ont été dispersés par les vagues de la rivière, ce qui lui a permis de retrouver à peu près 90% du squelette. Donc, on a un squelette qui est quasi entier. Est-ce qu'il s'agit d'une tombe ou tout au contraire un individu qui aurait été déposé par les flots de la rivière ? Non, on sait maintenant que effectivement c'était une sépulture avec une tombe. Et les ossements étaient très bien préservés. Si l'homme de Kennewick avait été abandonné, les ossements auraient été dispersés par des charognards, abîmés par la pluie. C'est pas le cas. On a un squelette quasiment entier. On a aussi par l'analyse des sédiments qui étaient rattachés aux ossements, on a établi que ces sédiments étaient un peu différents des couches dans lesquelles l'homme de Kennewick a été trouvé. Donc on sait qu'il y avait une sépulture, une fosse. Aucun objet ne l'accompagne. Oui et non. C'est une question un peu difficile. Il n'y a aucun objet qui a été retrouvé et donc on a seulement retrouvé des ossements. Peut-être parce que ça n'a pas été fouillé. Est-ce que ça a été fouillé réellement finement? Non, ça n'a pas été fouillé. Et la raison pour laquelle ça n'a pas été fouillé, c'est que le site a été très rapidement enfoui sous des déblais par l'armée. Le corps des ingénieurs de l'armée américain a complètement enfoui le site afin d'éviter une analyse plus approfondie du site. Bien sûr, la raison officielle, c'est qu'on a voulu protéger le site. La réalité, c'est que on a empêché aux géologues et aux archéologues d'y accéder. Les objets, donc, il aurait peu d'objets, mais un objet particulier, en tout cas. Donc, il n'y a qu'un seul objet. Un seul objet, mais un objet extrêmement intéressant, qu'on a retrouvé non pas dans la sépulture elle-même, mais dans le squelette humain. Au niveau de la hanche de l'homme de Kennewick, on a trouvé une pointe de projectile qui est rentrée dans la hanche. Et donc on sait que l'homme de Kennewick a servi de cible à un autre paléonien. Cette pointe, c'est peut-être la raison de sa mort ? Pendant très longtemps, on a pensé que c'est peut-être l'arme du crime. On sait maintenant que l'os avait bien cicatrisé et que la blessure a eu lieu quand l'homme de Kennewick avait entre 15 et une vingtaine d'années. Pour nos auditeurs, on sait maintenant que l'homme de Kennewick est mort à peu près 40-45 ans. Donc il a survécu. L'homme de Kennewick n'est-il pas à l'Amérique ce que Lucie est aux Australopithèques d'Afrique de l'Est ? Ah, c'est une question intéressante. L'homme de Kennewick est certainement devenu emblématique et je pense que tout le grand public américain connaît l'histoire de l'homme de Kennewick. tout comme le grand public connaît l'histoire de Lucy. Leurs histoires et leurs trajectoires sont complètement différentes et sont devenues célèbres pour des raisons bien différentes, bien entendu. En tout cas, entre Lucy et l'homme de Kennewick, c'est aussi les fossiles quasi les plus complets de leur famille. C'est aussi ça, le point commun. Ce sont des fossiles complets. Et il y a d'ailleurs des résultats très intéressants qui ont été publiés récemment sur Lucy. Il semblerait qu'elle soit tombée d'un arbre et que sa mort a été précipitée. Oui, théorie qui fait douter aussi, en tout cas. En tout cas, est-ce que l'homme de Kennewick ne serait pas pour autant le plus vieil Américain, ou du moins le plus vieil Américain des USA ? Le plus vieil Américain, c'est pas tout à fait juste, puisque je vous l'ai dit qu'on se trouve dans une période de plusieurs milliers d'années après les Clovis. On a très peu de restes humains pour la période de Clovis, mais néanmoins, on en a quelques-uns. Donc, on a deux ou trois restes pour la période de Clovis, donc d'à peu près 13 000 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme de Kennewick est célèbre, non pas parce que c'est le plus vieil Américain, mais pour d'autres raisons. Justement, juste après sa découverte, une minorité indienne en demande la restitution. Pourquoi ? Quelques jours, c'est très juste, quelques jours après la découverte de l'homme de Kennewick, mon collègue James Chatters s'est rendu compte que les ossements étaient anciens. Et donc il a obtenu une date au carbone 14 d'un peu plus de 8000 ans, ce qui plaçait l'homme de Kennewick clairement dans la période paléo-indienne. À ce moment-là, ça devenait l'un des rares squelettes pour la période paléo-indienne et un des rares squelettes complets pour la période paléo-indienne. Donc une très grande découverte pour l'anthropologie américaine. Une très grande découverte pour la connaissance de ces périodes paléo-indiennes. Puisque je vous ai dit qu'on avait pas mal d'éléments, mais la plupart de ces éléments sont incomplets. Et l'homme de Kennewick était quasiment complet. Donc, il s'agissait de faire l'étude de ce squelette. Et bien sûr, à ce moment-là, le corps des ingénieurs de l'armée a interdit l'étude des squelettes parce que, sous la pression des tribus locales, des tribus de Colville et des Umatilla, qui ont demandé à ce que l'homme de Kennewick s'en rendu à ces tribus pour qu'ils puissent être enterrés de façon traditionnelle. Mais pourquoi ? C'est parce que tout ça, tout fossile, devient, on va dire, sacré pour les tribus amérindiennes ? Il faut savoir qu'il y a énormément d'opinions quant à la mort et quant aux pratiques funéraires parmi les tribus amérindiennes, que ces nations vont avoir des opinions très différentes. Mais néanmoins, la tribu de Colville, très très immédiatement après la découverte de Kennewick, a pris le point de vue que Kennewick était sacré. Et puisqu'il était sacré, il fallait le réenterrer et traiter ses restes osseux de manière respectueuse. Frédéric Sellet, l'homme de Kennewick tombe surtout sous une loi fédérale liée aux tombes. C'est pour cela que certains de mes collègues et archéologues américains ont décidé de poursuivre en justice le gouvernement américain pour avoir le droit d'analyser l'homme de Kennewick. Quelle est cette loi, la loi qu'on appelle NACPRA ? NACPRA, oui. NACPRA, c'est un acronyme pour Native American Grave Repatriation Act and Protection Repatriation Act. C'est une loi qui protège les éléments culturels, qui oblige les scientifiques à rendre les squelettes, les restes osseux humains et les objets rituels aux tribus et aux groupes qui arrivent à démontrer une connexion culturelle avec ces restes humains. France Culture. Carbone 14, Vincent Charpentier. Les anthropologues s'opposent bien sûr à une telle restitution. Ici, point de bon ou de méchant, juste deux points de vue, la science et le sacré. la science et le sacré, c'est vraiment ce qui est l'enjeu ici. Et bien sûr, du point de vue scientifique, si on enterre Kenwick, on perd une occasion incroyable et peut-être unique d'étudier un des plus anciens paléo-indiens. L'origine de cet homme a suscité beaucoup d'interrogations, notamment son crâne, qui aurait pu être de type européen et donc non pas amérindien. Il y a beaucoup de malentendus et une raison des polémiques et une des raisons pour les polémiques et pour les conflits qui ont suivi, c'est que effectivement les caractéristiques crâniennes de Kenwick sont différentes des caractéristiques amérindiennes et des populations amérindiennes modernes. Néanmoins, les caractéristiques de Kenwick le placent dans des populations avec des caractéristiques qu'on appelle mongoloïdes. Et malheureusement, les journaux et les médias américains ont traduit ces caractéristiques qu'en anglais on parle de Caucasian, de caucasoïde, en caucasien. Et caucasien en anglais, bien sûr, ça veut dire blanc. Donc Kenwick est immédiatement devenu un homme blanc. Et donc avoir des paléo-indiens de race blanche, évidemment, ça crée des problèmes et important. Des théories ont été émises d'ailleurs à ce propos, la fameuse French Connection, des groupes issus du solutréen, bien sûr une culture française, espagnole aurait atteint l'Amérique, on y a vu aussi des Polynésiens, des Ainus, des populations fossiles de l'île de Kaido au Japon. Lorsque mes collègues américains ont poursuivi en justice l'État pour avoir le droit d'étudier l'homme de Kenwick, il fallait justifier cette analyse. Et la meilleure façon de justifier cette analyse, c'est de dire qu'on ne connaissait vraiment pas grand-chose de la période paléo-indienne et qu'il y avait toujours la possibilité d'une origine complètement différente. Donc le status quo, bien sûr, c'est que les ancêtres des Amérindiens, des populations amérindiennes, venaient d'Asie, soit par voie maritime, soit par voie terrestre. Et lors des discussions qui ont suivi, certains de mes collègues ont commencé à avancer l'hypothèse d'une origine différente et d'une origine européenne pour le Kenwick. Et c'est bien sûr l'hypothèse solutréenne que vous avez mentionnée. Pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, je rappelle que nous évoquons avec Frédéric Soleil l'histoire de ce paléo-indien, l'homme de Kennewick, qui vécut près de Seattle il y a 9000 ans. Que décide la justice américaine face à un tel dilemme entre science et sacré, population amérindienne et anthropologue ? Le résultat a été fascinant. Après de longues années, et je crois qu'un procès qui a coûté au public américain plus de 5 millions de dollars, la justice américaine a déclaré que les scientifiques auraient le droit d'analyser les restes humains de Kenwick. C'est-à-dire que l'homme de Kenwick n'aurait pas eu de parenté avec les tribus actuelles, du moins à l'époque. Pas vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que le juge a décidé que il y avait plus de 9000 ans qui s'étaient écoulés depuis la mort de l'homme de Kenwick, et donc il n'était pas possible d'affirmer cette connexion culturelle dont la loi dépend. Et donc on n'a pas pu relier directement l'homme de Kenwick avec les tribus de Colville et qui demandaient le rapatriement de l'homme. Les analyses se sont donc poursuivies, notamment à l'aide d'isotopes stables, oxygène 18, le carbone 13. On sait désormais ce que mangeait, ce que buvait l'homme de Kenwick. Donc des analyses très précises ont eu lieu et avec des résultats assez intéressants. Et au niveau de l'eau que buvait l'homme de Kenwick, on s'est aperçu que l'homme de Kenwick buvait de l'eau qui provenait de glaciers. Et il semblerait donc que l'endroit d'origine, la zone dans laquelle l'homme de Kenwick vivait, se trouvait bien plus au nord que l'état de Washington. Et donc mes collègues scientifiques et archéologues américains pensent que l'homme de Kenwick était un voyageur venant d'une région qui correspond à l'Alaska aujourd'hui. Et ces conclusions étaient renforcées par l'étude aussi des isotopes sur les ossements. Et il semblerait que l'homme de Kenwick a consommé énormément de saumon et aussi de mammifères marins, et en particulier des phoques. Donc l'homme de Kenwick a passé énormément de temps sur les côtes. Et Kenwick, c'est à plusieurs centaines de kilomètres des côtes. Donc il semblerait qu'il a vécu et grandi dans une région qui est complètement différente de celle dans laquelle on l'a retrouvé. On connaît ces sociétés de chasseurs-collecteurs maritimes le long de l'Amérique, ou pas du tout? On les connaît très peu. Et parce qu'il y a très peu de témoignages archéologiques qui datent de cette époque-là. Et c'est vraiment un des arguments qui a été avancé par mes collègues pour justifier l'analyse de l'homme de Kenwick. En tout cas, les sociétés amérindiennes disaient aussi que les phoques remontaient les rivières et qu'il aurait pu le manger donc du phoque tout près de là où il décéda. Et donc on se rend très vite compte que les conclusions des scientifiques ne vont pas vraiment dans le sens des traditions orales. Si effectivement l'homme de Kenwick c'était un ancêtre des tribus amérindiennes et en particulier des tribus de Colville et des Umatilla, il aurait grandi dans cette région les conclusions donc ne sont pas vraiment acceptables pour les populations natives. Et ils ont donc attaqué ces conclusions et en particulier ils ont fait remarquer que peut-être de façon historique et même préhistorique, les phoques remontaient les rivières et se trouvaient dans des zones beaucoup plus à l'intérieur des terres qu'on pourrait le penser. Frédéric Sallet, la génétique réalisée dans un laboratoire danois a enfin donné la clé de l'origine de cet homme de Kenwick. Ah, les résultats de l'analyse génétique ont été intéressants, même s'ils n'ont pas forcément été surprenants. Il y a quelques années, mes collègues généticiens ont eu l'occasion d'extraire de l'ADN des restes osseux. Il faut savoir que lors de l'analyse préalable au procès, on a essayé d'extraire de l'ADN et à l'époque, il n'a pas été possible de faire cette extraction. Maintenant, avec les progrès effectués dans ce domaine, on a eu la possibilité d'extraire de l'ADN et les résultats sont intéressants. Les résultats montrent que non seulement l'homme de Kenwick est un Amérindien, c'est l'ancêtre direct des populations amérindiennes et y compris les populations de Colville et les Umatilla. Donc les anthropologues se sont complètement trompés? Oui et non. Et il faut savoir qu'on connaît vraiment, on a très peu de données sur la diversité génétique des populations paléo-indiennes. Donc on sait qu'elles sont ancestrales aux populations modernes. Là où les anthropologues se sont trompés, c'est qu'en allant chercher des ancêtres en Europe. Il est clair que les ancêtres de Kenwick n'étaient pas européens. Le squelette va-t-il être rendu perdu pour la science, mais inhumé selon des rites ancestraux, qui ne devaient pas être les mêmes d'ailleurs, il y a 9000 ans? Probablement pas. Ça doit être très différent. Probablement pas. Et il est clair que, d'après la loi, les restes humains doivent être rendus aux tribus locales après que les scientifiques aient effectué leur analyse. Et je pense qu'on a un corpus suffisant maintenant, scientifique suffisant pour justifier ça. Quand est-ce que ça va se faire? On ne sait pas. Et on peut bien sûr, puisque les données scientifiques, les techniques scientifiques évoluent tout le temps, on peut émettre l'argument que on va devoir attendre un peu plus pour que des données, parce qu'il y a d'autres données à glaner et que l'homme de Kenwick n'a pas encore révélé tous ses mystères. À qui va-t-il être rendu? Plusieurs groupes pourraient éventuellement revendiquer les vestiges archéologiques forts, justement, de leur génétique, et pas forcément aux États-Unis. C'est vrai. C'est vrai que y a maintenant la question reste de savoir si on n'arrive pas à créer un lien culturel direct entre certains groupes. Il est clair que quasiment n'importe quel groupe natif pourrait revendiquer les restes de Kennewick. Mais je pense que les tribus de Colville sont probablement les candidats les plus logiques pour l'instant. Les anthropologues ont dû quand même faire la tête, dire simplement. D'une côté, c'était une victoire pour la science, puisque mes collègues américains ont eu le droit d'analyser l'homme de Kennewick. Mais le procès fait jurisprudence, c'est-à-dire que on peut pas découvrir des restes humains aux États-Unis et bloquer l'analyse scientifique. Les archéologues ont le droit d'étudier et d'analyser ces documents. Kennewick n'est pas le seul à être inhumé de la sorte. D'ailleurs, le dernier Indien d'Amérique du Nord, dit sauvage, est découvert en 1911. Le fameux Ishi a lui aussi bien sûr sa tombe. En revanche, son cerveau fut longtemps conservé dans un musée, celui de la Smithsonian. Oui, l'histoire d'Ishi est assez passionnante. C'est comme vous le dites, l'Indien qu'on a souvent appelé le dernier Indien sauvage, même si c'est une exagération. Et Ishi est mort au courant de la Première Guerre mondiale. Et on s'est aperçu que, à son insu et à l'insu des scientifiques de l'époque, on a prélevé le cerveau d'Ishi et on l'a préservé à la Smithsonian. C'est seulement il y a quelques années qu'on s'est rendu compte que ce cerveau n'avait pas été enterré de façon traditionnelle. Et il y a eu bien sûr des polémiques et des conflits entre les tribus indiennes qui ont demandé à ce que ce cerveau soit rendu pour qu'il puisse être enterré de façon sacrée. Ishi est mort il y a exactement 100 ans, 1916. C'est vrai. En 2000, une cérémonie multitribale a eu lieu pour rendre les restes d'Ishi à sa terre d'origine. C'est vrai que finalement, le cerveau d'Ishi a été enterré de façon sacrée et que l'histoire a pu se terminer. Très rapidement, en conclusion, l'archéologie et l'anthropologie ont-elles un avenir aux États-Unis? Que peuvent dorénavant faire les archéologues et les anthropologues américains? Fouiller hors des États-Unis ou s'associer aux minorités indiennes? C'est sûr que l'avenir de l'archéologie américaine passe par un dialogue. Un dialogue entre les populations natives et les archéologues. On ne peut pas faire de la science et éviter les conséquences de cette science. Et le dialogue est important. Frédéric Salem, merci beaucoup. Beaucoup de littérature existe, bien sûr, sur l'homme de Kennewick. Je leur préfère le chef-d'œuvre de Tony Lehrman, Le voleur de temps, qui évoque cette relation entre chercheurs et minorités indiennes. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Amandine Grevose, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbon 14, sur le site de franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbon 14 évoquera les dernières recherches en Arabie Saoudite avec Leïla Némé et les fouilles de Médine Salé.